Novembre, c'est le mois des spéciaux chez Dolbo Auto. Le Colorado 2019 cabine multiple 0% 72 mois plus 1250 en crédit de financement. Ou encore, le Silverado 1500 2019 0% 72 mois plus 7000 en valeur totale. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, 276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous rappelle l'importance d'acheter local pour protéger nos emplois. Karina Montmagny de Péribonkan s'est vue octroyer une laissez-passer pour le championnat canadien de patinage à vitesse sur courte piste à Calgary qui sera présenté à la fin novembre. Question de savoir un peu comment ça va, on lui parle. Salut Karina. Allô. Karina, d'abord, félicitations pour ta sélection, pour ton laissez-passer. D'abord, est-ce que c'était dans tes objectifs ou c'est vraiment une surprise que tu t'en as à Calgary? Non, je m'en attendais vraiment, mais tu sais. Dans le fond, moi, c'était dans mon objectif parce que ça faisait 4 ans que je faisais ça. OK. Que je réussissais à atteindre cet objectif-là. Que OK. C'était facile pour moi. Est-ce que tu t'en vas dans quelle optique à Calgary? Prendre l'expérience vraiment puis de progresser pour les prochaines années? Ben, moi, dans le fond, là-bas, c'est. Juste que ça soit le fun. OK. Puis, dans le fond, je sais que ça va être dur parce que, dans le fond, c'est les 4 premières juniors qui vont participer au Mondiaux juniors en Italie. Ouais. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça y participer, mais je sais que ça va être dur. OK. Je ne fais pas trop d'attente, mais. Mais t'as quel âge? T'as 16 ans actuellement? J'ai 18. 18, donc c'est pas mal dans tes dernières années, là, pour... C'est ma dernière année finale. OK. Et est-ce que là t'es rendu à Montréal, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ma première... J'ai fait une année l'année passée à Montréal avec le CRCE. OK. Ça a été une très belle année. OK. Comment t'as... Maintenant, je t'avais... Oui, vas-y. Vas-y, continue. Maintenant, c'est avec Montréal Olympique. OK, OK. Comment t'as trouvé ton adaptation à Montréal? C'est quitter le lac Saint-Jean. Comment t'as trouvé ça? Au début, je trouvais ça dur. C'est partir d'une région pour aller à Montréal. Il faut que tu t'habitues à faire ta nourriture, puis aller faire l'épicerie, puis tout ça. T'sais. Pas trop habitué à ça. Au début, j'étais avec mes parents, puis là, je vais avoir un appartement. C'est différent, puis le temps d'adaptation avec l'école, puis le patin aussi en même temps. Ça fait pas mal. C'est dur au début, mais je me fais là. Ça fait pas mal de. Ça fait un agenda bien rempli. Je t'ai demandé mardi, puis finalement, là, tu m'as donné aujourd'hui comme disponibilité. Ça fait quand même un agenda assez bien rempli. L'entraînement. Vivre à Montréal, on dira ce qu'on voudra, c'est plus de temps également. L'entraînement des écoles et ainsi de suite, là, ça fait quand même quelque chose de. Ça fait une bonne horaire, je trouve. Hein? Ben, en fait, j'ai 5 cours à l'école, puis je m'entraîne 6 fois par semaine, plus 2 fois muscu. OK. Ouais, mon agenda est pas mal avec les devoirs. Puis... Karina Montmagny de Péribonkan s'est vue octroyer une laissez-passer pour le championnat canadien de patinage à vitesse sur courte piste à Calgary, qui sera présenté à la fin novembre. Question de savoir un peu comment ça va, on lui parle. Salut Karina! Allô? Karina, d'abord, félicitations pour ta sélection, pour ton laissez-passer. D'abord, est-ce que c'était dans tes objectifs ou c'est vraiment une surprise que tu t'en as à Calgary? Non, je m'en attendais vraiment, mais tu sais, dans le fond, moi, c'était dans mon objectif parce que ça faisait 4 ans que je faisais ça. OK. Que je réussisse à atteindre cet objectif-là, c'est que c'est facile pour moi. Est-ce que tu t'en vas dans quelle optique à Calgary? Prendre l'expérience vraiment, puis de progresser pour les prochaines années? Ben moi, dans le fond, là-bas, c'est juste que ça soit le fun. OK. Puis, dans le fond, je sais que ça va être dur parce que, dans le fond, c'est les 4 premières juniors qui vont participer au Mondiaux juniors en Italie. Ouais. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça y participer, mais je sais que ça va être dur. OK. Je ne fais pas trop d'attente, mais... Mais t'as quel âge? T'as 16 ans actuellement? J'ai 18. 18, donc c'est pas mal dans tes dernières années, là, pour... C'est ma dernière année finale. OK. Et est-ce que là, tu es rendu à Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ma première. J'ai fait une année l'année passée à Montréal avec le CRCE. OK. Ça a été une très belle année. OK. Comment t'as. Maintenant, j'étais avec. Oui, vas-y. Mmh? Vas-y, continue. Maintenant, j'étais avec Montréal Institute. OK, OK. Comment t'as trouvé ton adaptation à Montréal? C'est quitter le lac Saint-Jean. Comment t'as trouvé ça? Au début, je trouvais ça dur. Partir d'une région puis ouais. aller à Montréal, il faut que tu t'habitues à faire ta nourriture, puis à aller faire l'épicerie, puis tout ça. T'sais. Pas trop habitué à ça. Au début, j'étais avec mes parents, puis là, je vais avoir un appartement. C'est différent, puis le temps d'adaptation avec l'école, puis le patin aussi en même temps. Ça fait pas mal. C'est dur au début, mais je me suis adaptée. Ça fait pas mal ça fait un agenda bien rempli. Je t'ai demandé mardi, puis finalement, là, tu m'as donné aujourd'hui comme disponibilité. Ça fait quand même un agenda assez bien rempli, l'entraînement. Vive à Montréal, on dira ce qu'on voudra, c'est plus de temps également. L'entraînement, les écoles et ainsi de suite, là, ça fait quand même quelque chose de... Ça fait une bonne horaire, je trouve. Hein? Ben, en fait, j'ai 5 cours à l'école. Je m'entraîne 6 fois par semaine, plus 2 fois muscu. OK. Ouais, mon agenda est pas mal plein avec les devoirs et les entraînements. OK. Karina, est-ce que, si on parlait un peu à Montréal, est-ce qu'on vous aide, les gens des régions, est-ce qu'on vous, lorsque vous déménagez à Montréal pour l'adaptation et ainsi de suite? Pas beaucoup. Parce qu'il faudrait qu'ils prennent pour acquis que on est déjà adapté. Surtout avec les CRCE, eux autres, ils s'attendent plus comme qu'on performe dans le sport. Des fois, peut-être qu'ils mettent un peu trop de pression, mais... Est-ce que t'es là? Karina?